9K, le style est pas, yeah, 9K de bois, du son pour les plots, du son pour les plots, yeah. Écris nos lyrics à la douleur, nos forces unies, fork le bleu et fume le blunt, putain de tuerie, pas de bluff, liés nos microphones, un son puriste, pour les mecs qui fument la weed, rap pur et dur, qui t'arrache la prime, yeah. Pèse la dirty south, ça fait 1 pour mon ghetto, 2 pour mon ghetto, 3 pour mon ghetto, négro 4 pour mon ghetto, bap. Boy criminel et gris, fou la merde sur un beat de batterie, négro c'est le batterie, puis on refait la même qu'à l'époque, hein. Yeah, remue la tête, jeune de banlieue, cuir et casquette, Nike, nique la bague sur un quad, yeah. Fire, des putains de vapeurs d'aïa qui viennent et parfument les bois. Fuck your life, yeah. Hop on my 98 dirt bike. Rapid death, make this pie die. I got you stuck off the realness, we be the infamous. Bread, ribs, $100 bill. Fuck your life, hop on my 98 dirt bike. Rapid death, make this pie die. I got you stuck off the realness, we be the infamous. Vacances, back to the block. J'ai déterré la hache de guerre, encore un son sorti des ténèbres. C'est mauvais délire et toujours fier. Pour une poignée de dollars, des équipes qui s'organisent, c'est glow comme Soflo qui traumatise go. La vitrice, c'est le drame, c'est le vice, mélancolie est plus chez nous. C'est faux que leur justice, excusez, c'est gérer le disque. Des gangs, des guns automatiques pour tout niquer dans le game. À notre époque, dans nos blocs, c'est des comas toc toc. Une paire qui se fuck, les flics derrière nos portes. Liens font déporter, des portes d'armes déportées. Un bon spliff et ça sent la poudre. Ouais c'est ça, ici c'est pas la West Side. C'est son des plaques, des beurres sur un drive-by. Une hécatombe, quand je m'exprime, moi love. Un drap blanc couvre les MC sur du mob. Fuck your life, hop on my 98 dirt bike. Rapid death, make this pie die. I got you stuck off the realness, we be the infamous. Fresh bread, ribs, $100 bill. Fuck your life, hop on my 98 dirt bike. Rapid death, make this pie die. I got you stuck off the realness, we be the infamous. Vacances, back to the block. Fuck your life, hop on my 98 dirt bike. Rapid death, make this pie die. I got you stuck off the realness, we be the infamous. Fresh bread, ribs, $100 bill. Fuck your life, hop on my 98 dirt bike. Rapid death, make this pie die. I got you stuck off the realness, we be the infamous. Vacances, back to the block.